Chapitre 53. Associer la crainte à l'espoir. Sache qu'il convient aux serviteurs en bonne santé d'associer la crainte à l'espoir, et que la crainte soit à la hauteur de l'espoir. En cas de maladie, il doit se tourner exclusivement vers l'espoir, comme le prouvent les règles tirées du livre et de la sunna. Allah Ta'ala dit: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Sourate 7, verset 99. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Sourate 12, verset 87. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. Sourate 3, verset 106. En vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi clément et miséricordieux. Sourate 16, verset 167. Les bons seront, certes, dans un jardin de délices, et les libertins seront, certes, dans une fournaise. Sourate 82, verset 13 et 14. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, sa destination, est un abîme très profond. Sourate 101, versets 6 à 9. 443. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: si le croyant savait ce qu'il y a auprès d'Allah comme punition, il n'espérerait pas en son paradis. Et si le mécréant savait ce qu'il y a auprès d'Allah comme miséricorde, il ne désespérerait pas de son paradis. Muslim. 444. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque le mort est porté par les hommes sur leurs épaules pour être conduit au cimetière, s'il était vertueux, il dit: dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et s'il ne l'était pas, il dit: malheur à moi, où m'emmenez-vous? Toutes les créatures entendent sa voix, sauf l'être humain. S'il l'entendait, il en serait foudroyé. Al-Bukhari. 445. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que la lanière de sa sandale, et il en est de même de l'enfer. Al-Bukhari.